بسم الله الرحمن الرحيم. Dans le dernier mabhath, qui est le deuxième en fait, on a pris أخذنا الحالات التي فيها التفصيل dans le حكم بغير ما نزل الله. Neuf situations qui la récapitule avec le jugement qui va avec. استحلال كف أكبر استحلال تفضيل استبدال après استحلال أفوان استحلال جحود جحود الغفو هذا تفضيل تفضيل بكفرانس سواء اكيفالان تبديل تبديل remplacé par une autre loi en disant que ça vient d'Allah. Moi j'en ai taknin. Taknin, c'est le fait de mettre des lois. Tachiria, c'est le fait de les imposer. Et stibdal, c'est le fait de venir juste de venir avec une nouvelle loi sans l'attribuer au din. Wa hadi salasa as-sahih fiha, c'est authentique, c'est du kufr asghar. D'accord. Avec la divergence de certains, mais en réalité, si on regarde les adillah, si on regarde les preuves, c'est que c'est du kufr asghar. Et comme on l'avait dit hier, ceux qui voient dans ces salat al-masail qui sont l'istibdal, taqnin wa tashri', ils voient en fait à la base, yani ils ont fait du kufr akbar en rentrant des causes des six premières en fait, en disant que celui qui fait cela, il le fait parce qu'il rend cela halal ou parce qu'il préfère ou kaza en fait. D'accord. Donc ils reviennent aux six premières, en réalité. Alain, ça n'a trop le fait, elle m'abhasse. Elle s'alise, on va prendre juste une légère partie. Car en réalité, il ne fait que reconfirmer ce qu'il a dit avec quelques paroles de ulama. وَالَّذِي أَخَذْنَا فِيهِ كِفَايَةً إِنْشَاءَاللَّهُ. Dans le m'abhasse, elle s'alise, troisième recherche, il dit فُصُولُ مُتَمِّمَةً. Il y a des chapitres qui viennent compléter ce qui précède. Il en a fait 8. D'accord, il en a fait 8. Donc il a fait récapitulatif des 8. On dit que le khurasa du kalam dans le hukm biri les mains d'Allah, ce qu'on vient de dire là maintenant, là. Dans la rebraja. Donc on laisse le fas al-thani, wa thalith, wa rabi', wa al-khamis, on passe au sadis. Il dit maintenant موافقت ما قررته لأقوال أصحاب ابن عباس. Il dit maintenant, il va montrer que ce qu'il a dit est en conformité avec les paroles des gens qui étaient avec Ibn Abbas, qui ont pris le ilm d'Ibn Abbas رضي الله عنه, qui était le sahabi. ثبت عن اثنين من أصحاب تفسير الكفر في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بينه الكفر أصغر ولا يعلم لهما مخالف لهما من عصرهم. Donc il a dit, il va porter la parole de deux parmi les élèves d'Ibn Abbas, qui sont parmi les grands mufassirins, de la parole d'Allah dans le sens où il dit que ceux qui ne jugent pas parce qu'Allah fait descendre sont les mécréants, qu'il s'agit de kouf asrar, de base, avant qu'on rentre dans les six autres choses qu'on a dit au début, les six halat. La base c'est le kouf asrar, comme on a expliqué, la base dans les mukhalafa, dans les péchés, c'est que c'est pas mukaffir. Tant qu'on n'a pas un délit qui prouve que c'est du kufr. Donc là-bas, c'est que c'est du kufr asghar. Et il dit que parmi ces deux mufassirines qui ont parlé, dans leur époque, on n'a trouvé personne qui n'ait contredit leur avis. Donc c'est comme s'il y avait ijma à leur époque. Le premier, c'est Taous. Taous, un tabi'i, il a dit « Laysa bi kufrin yankulu anil millah » par rapport à ce verset. Ce n'est pas une mécréance qui exclut de la communauté. Et Ata, Ibn Abd al-Rabah, il dit kufr dun kufr, wa zulm dun zulm, wa fisq dun fisq. Dans le sens que c'est une mécréance autre que la mécréance majeure, une injustice autre que l'injustice majeure, et une perversion autre que la perversion majeure, par rapport aux trois versets qui se ressemblent. Et également, Ibn Taymiyyah, il rapporte qu'Ibn Abbas, سئل عن هذه الآية وقال كفر لا ينقل عن الملة. C'est une mécréance ne sort pas de la communauté, apportée par Majmou Fatawa d'Ibn Taymiyyah. Et Ibn Taymiyyah dit que les gens du tafsir, ceux qui sont les plus savants parmi eux, sont les gens de Mecca, car ils sont tous parmi les élèves d'Ibn Abbas, à l'instar de Mujahid et de Ata ibn Abdur Rabah, dont on vient de prendre la villa, et également Taous et d'autres, Saïd ibn Jubayr et d'autres. Non pas qu'ils ont tout le temps raison, mais ils sont les plus savants, car ils ont pris le ilm de l'homme le plus savant dans le tafsir de leur époque, qui était Ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu. Donc ça, c'était le sixième chapitre de ce troisième abhaf. Al-Fas, al-Sabi'a, septième chapitre. Mouafaqat makarartuhu l'école Ibn Abbas. Donc maintenant, il dit, ce que j'ai dit est en conformité maintenant avec la parole d'Ibn Abbas directement. Je pense qu'il aurait dû le mettre avant les ashabs d'Ibn Abbas, il aurait dû mettre lui. Je ne sais pas pourquoi il l'a mis après. Donc toujours par rapport au verset, وَمَنَ مِيَحْكُمِ بِمَا نَزَلَ اللَّهِ فَأُولَيْكَ هُمُ كَافِرُونَ. Abdul Razak, dans son tafsir, selon Ma'amar ibn Abi عن Ma'amar ibn Taous, عن Abihi, عن Ibn Abbas, رضي الله عنه, أنه قال, إِيَا بِهِ كُفْرٌ. Donc Ibn Abbas l'a dit par rapport à ce verset, c'est une mécréance. C'est une mécréance. وقال Ibn Taous, رحمه الله تعالى, ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. Le fils de Taous, il a dit par rapport à la parole d'Ibn Abbas que ce n'est pas une mécréance comme celui qui aura mécru en Allah et en ses anges et en ses livres, en ses messagers. Alors ce n'est pas la mécréance majeure. Et ça, ça a été rapporté avec une génération authentique. Il dit par rapport à ce kalam, il y a trois masa'il. Ça relève de trois questions. الاولى فسر البعض قوله هي بكفر بالكفر الاكبر. Certains ont interprété la parole d'Ibn Abbas parce qu'il a dit هي به كفر, c'est pour lui de mécréance. Ils ont interprété le mot mécréance comme étant mécréance majeure, et ça c'est une erreur. Quand on a des hadith comme le dit l'auteur où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam employait le mot كفر et c'était pas du كفر الاكبر كفي الحديث او كالحديث اخوان. On ne dit pas kafi, parce que kaf c'est hafajar et fi c'est hafajar. Mais souvent je fais la bêtise de le dire. Isnatan fin nas huma bihim kufr. Atan fin nasab wa niyaha ala al-mayyit. Il a dit deux choses chez les gens sont une mécréance. De diffamer les généalogies et le niyaha ala al-mayyit. C'est quoi niyaha? C'est quoi niyaha? Ah ouais, celle qui se révolte lors d'un décès. Qui crie, qui se déchire, les vêtements qui se frappent les joues. Est-ce que ceux qui agissent de la sorte sont des koufars? Là. Et pourtant, il a dit, koufr. Et il y a plein de hadiths, pour ne pas avoir tous les recités, les relater. Et il y a ijma' que dans ce hadith-là, le sens voulu, c'est koufr asghar. Koufrun asghar. Et également, ils disent, ce qui prouve cela, c'est que deux parmi les ashabs de Ibn Abbas ont bien expliqué que c'est des koufr asghar. Que Ibn Abbas, ça veut dire par là, dans ce tafsir. Donc, les gens qui disent que c'est du kufr akbar n'ont pas raison. Donc, ça veut dire que celui, comme on vient de dire, qui dit que c'est du kufr akbar, qala, ala shuzuz, c'est de la marginalité. C'est-à-dire, c'est une personne qui, avec un avis faible, face à meilleur que lui, et plus nombreux que lui, qui vient avec un avis fort. On appelle ça chouzouz, c'est marginalisé. Al-Thalitha, Rouya Athar ibn Abbas, radiallahu anhuma. Il y a eu un autre Athar ibn Abbas qui était apporté en tafsir de ce verset. Qal, innahu laysa bil kufr alladhi yadhhabuna ilayhi. Innahu laysa kufran yankul an al-millah. Il a dit, ce n'est pas la mécréance qu'il pense. Sûrement, ils avaient dit au Khawarij. Ce n'est pas une mécréance qui exclut de la communauté. Kufrun dun kufr. C'est la mécréance mineure. Et ce athar, certains parmi les gens de science l'ont affaibli. Et d'autres l'ont authentifié. Et d'autres, sans s'être prononcé, l'ont pris comme avis. D'accord ? Et que ce athar sabata ou lam yathbut, on a l'autre athar qui lui est sahih, qui dit la même chose de toute façon. Donc même si on dit que, allez, hab anaw da'if, عندنا athar akhar, yuthbit hada al-hukm. Quoi qu'il en soit, Cheikh Salim al-Hilali, il a fait un livre dans lequel il affirme l'authenticité de ce athar. Et il rapporte plus d'un parmi nos mufassirin qui l'ont authentifié. D'abord, l'auteur lui cite Al-Hakim, Al-Albani, Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim. Et Cheikh Salim lui cite Ibn Kathir, important à retenir pour la suite. Ibn Kathir, Al-Tabari, Al-Marwazi, Al-Baghawi, Ibn Al-Arabi, Al-Qurtubi, Al-Sadiq Hassan Khan, Al-Shamqiti, Ibn Abd al-Barr, Ibn Battah, Al-Sa'di, Al-Uthaymin, et même nous aussi le Mashiach du Yémen. Tout cela voit que le athar, il est sahih. Et ceux qui ne voient pas, par exemple, que ce soit sahih, vraiment, le voient comme étant l'avis qu'ils ont choisi. Al-Fasl al-Thamin. Huitième fasl, chapitre de ce Mabhas al-Thalith. Il dit, Ittahamat wa ilzamat al-Khusum liman qala bimis le maqala bihi ulama al-Asr il-Mas'ala. Il dit maintenant, c'est pour répondre aux accusations et aux implications qu'imposent les opposants à ceux qui ont pris cette parole-là. Donc il est venu que la tariqa qu'on a parlé dans Kafi Shubuhat, qui est que la jawab fi hadha, la réponse de deux sortes. Taïeb, mujmal, réponse générale, mufassal, réponse détaillée. Et dit en réalité, la réponse mujmala, c'est que wajh al-awwal yaqul an al-ittiham الباطل امر لا يعجز عنه احد لكنه مفتقر للبرهان كغيره من الدعاوى التي لا يحتد بها ما لم تقم على بيانات صحيحه الذي لفت d'accuser faussement tout le monde peut le faire c'est à la portée de tout le monde de lancer des accusations sur les gens quand tant que l'accusation n'est basée aucune preuve elle n'est pas prise en compte et il a dit كذلك Les NBA n'y ont pas échappé. Les plus grands savants parmi les imams n'y ont pas échappé. Et même, j'ajoute même que même Allah n'a pas échappé aux langues de ces créatures qui l'ont critiqué et qui l'ont sous-estimé ou même qui l'ont renié bilkulliyah. Donc que dire hein, de ceux qui sont moindres qu'eux. Et il dit même ces accusations innahu in kana fi sabilillah ta'ala fa huwa mamdaha wa rifa wa laysa Muzimma, elle a dit même le fait de te faire accuser injustement alors que tu es fils d'Abilillah, justement en vérité c'est un éloge envers toi. Et c'est une élévation. Toute personne qui est sur le haq, qui appelle le haq et qui se fait critiquer pour ça, en réalité ses critiques sont un éloge pour dire en fait lui il est sur le haq. Et là c'est le cas justement de ces détracteurs, comme on va citer, qui accusent les gens qui ne voient pas comme eux, dans le hukm biril min Allah, les traits de murji'ah. Il traite les salafis de murji'a. Et quant aux implications, al-ilzamat, hum yaqulun, in takuluna hadha, ayyib in takulu hadha, fayalzam minkum kadha wa kadha. C'est-à-dire, si vous dites telle chose, là cela implique ou veut dire que telle et telle chose. C'est-à-dire, ils font des déductions d'eux-mêmes, des conclusions d'eux-mêmes. Et wa hadhi qa'ida fil din, ayyib, al-lazim, la yulzam bihi, ma lam yulzam bihi, qa'ilu. Une implication d'une parole, on ne peut te l'imposer tant que toi tu ne l'as pas admis. Même si tu tombes dans le tanaqud, contradiction. Kama yaqul Ibn Taymiyyah, fama kana min al-lawazim yardahu al-qa'il ba'd wuduhihi lah, fawa qawluhu. Wa ma la yardahu falisa qawluhu, wa in kana mutanaqidan. Fa amma idha nafa huwa al-malzum lam yajuz. أن يضاف إليه اللازم بحال Il a dit quoi ? Quelqu'un qui dit une parole, dont on lui sort une implication. On dit telle parole, implique telle chose. S'il agrée, et qu'il a compris l'implication, parce que des fois on dit des choses, on ne se rend pas compte ce que ça implique. On lui dit, Harry, ta parole là, c'est ce qu'elle veut dire, elle veut dire ça, ça, ça, ça. S'il dit na'am, khalas, on dit, c'est ton call. Et si jamais il dit une parole, on dit, Harry, c'est ton call, il veut dire telle, telle chose, tu reconnais ? Il dit non. L'implication que tu dis là, moi je la vois pas. Mon coup le premier, je le vois, mais l'implication, je suis pas d'accord. Bon, on n'a pas le droit de dire, lui, il voit telle chose. Mais est-ce que c'est à l'aïtlaq, cette qaïda-là? Je ne sais pas. Donc eux, maintenant, c'est quoi les applications qu'ils ont faites? Quels sont leurs ilzamat? يقولون اولا دعوى تجويز الحكم بغير ما انزل الله. Ils disent si vous ne rendez pas mécréant celui qui juge contre l'ordre d'Allah, c'est que vous voyez que cela est permis. C'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse? On dit là, on a dit quoi au tout début du livre? Que c'est wajib. D'accord? Le fait qu'on ne rend pas mécréant ne veut pas dire qu'on dit que c'est permis. Dans ces conditions-là, toute personne qui fait un péché et qu'on ne rend pas mécréant, on va dire que c'est permis de faire ce péché-là. Bah, il n'y a plus de péché sur terre, ça veut dire. Donc là, c'est baratine. Et Kazali, quand ils disent, ouais, vous voyez qu'on ne fait pas khulou sur le hakim, c'est-à-dire que vous êtes d'accord, vous le défendez, non? Kazali? La yalzam min zalik. Le khulou, c'est interdit. Est-ce que le hakim fait, c'est interdit? Votre khulou, on l'a dit au début du livre, c'est pire encore. Car ça amène à un façade dans le mujtama' kamil. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de patienter sur le hakim zalim, il a dit quoi? De combattre les khawarij. Et le fait de ne pas sortir contre lui, de ne pas nous remettre grand, ne veut pas dire qu'on obéit dans tout. Ce qui est moukhalaf, on ne l'obéit pas. D'accord? Et ça ne veut pas dire qu'on l'aime. Le fait d'obéir à un hakim dans le char, ça ne veut pas dire qu'on l'aime dans notre cœur. Parce que t'en as, ils en font trop des fois. Ils disent, il ne faut pas le hakim kazakanam. Et après, il commence à faire son éloge, il commence à citer ses paroles comme si c'était un imam. On dit, il ne va pas trop loin non plus, tu vois. Lui, là, il y a comme Birel Manzallah, c'est Kouf Asra. C'est pas une chose à prendre à la légère. Ce qu'il fait, c'est grave. Comment tu fais son éloge? Hafizahullah. Là, Koul Aslahullah, Hadaullah, Amma Hafizahullah. Pourquoi? Tu entends un avocat pour qu'Allah le préserve, ce qu'il est en train de faire comme Batil. Hadama Aslah, Hada. Tu vois? Tu dis, on ne sort pas contre lui, on ne veut pas de riba sur lui, mais on ne consomme pas son mal non plus. Là, il frotte ou la tafrite. T'en as, c'est, soit il faut le sortir, rouge, tant. Il dit non. D'autres, c'est non, il faut le caresser, il faut lui faire des éloges, il faut le faire, voilà. Il dit non plus. Le wasat, le juste milieu. Deuxième, ils amat. Da'wa irlaq bab takfir. Ils disent, vous voyez qu'il ne faut pas rendre mécréant les gens. On dit là, celui qui fait mukaffirat bil dawabit al-shir'iyya ma'a dalil, on dit mécréant. C'est pour ça qu'ils disent qu'après c'est de murji'a. Tu vois. L'accusation de Mourji, elle vient de ce « ils aiment » là. C'est-à-dire pour nous que, c'est comme si on disait que les actes ne rentrent pas dans l'iman. Si le hakim, dans son cœur, il est attaqué, il dit « croire en Allah seulement », on ne peut pas le rendre mécréant. On dit là, « pas c'est quoi le Mourji, anahnou, à la zalika » quand ça va suivre par la suite. Donc là-bas, c'est qu'il n'y a pas de takfir, mais il y a des gens, ils ont mécru. Et on est d'accord qu'il y a, l'apostasie, elle existe. J'ai déjà fait mon hadara par rapport à ça. Il y a des kutub de fiqh qui en parlent avec les règles. Aussi, ça existe. Ah. Troisième implication, da'wa ta'til inkar al-jihad ou al-ta'zil anhu. Cela amène à annuler le jihad et à l'abandonner. Parce que pour le jihad, c'est quoi? Khuruj sur le gouverneur. On dit jihad, c'est pas ça. C'est pas ça le jihad. Le jihad, on le voit. On le voit avec qui d'ailleurs? Avec le gouverneur musulman. Et qu'il soit muttaqi ou fajir ou zalim. Gouverneur musulman, tant qu'il est musulman, il appelle au djihad, et que les conditions sont remplies pour le djihad, on obéit. Là. Donc, ils disent que c'est pas le djihad. Mais pour le djihad, c'est sortir contre lui. Ça, c'est pas un djihad, ça. Et on a dit sortir contre un. Quand même, c'est vraiment kafir, il y a des shurut. Ça va être un façade, si vous rentrez pas des shurut, ça va pas être un djihad, c'est un façade. Et c'est comme également ceux qui disent, ils prennent la fausse règle, ou plutôt la fausse règle, la vraie règle, mais ils l'appliquent mal, je veux dire, en fait, non. Allazi, لا يكفر الكافر فهو كافر en tant que l'islam. Il dit fulan, c'est un tarout, c'est un kafir. Tu ne le comprends pas, tu es comme lui. Il y a la sicile avec kafir tout le monde. On dit cette règle là, elle est pour le kafir asli, wadih. On l'a expliqué la dernière fois dans le nawaqid de l'islam. Et rabi'an, da'wa al-irja'. Et nous traite de murji'a par rapport à ça. Dès que tu verras des gens traiter genre de la sunna de murji'a, c'est ce bab-là qui va. Le gouverneur. Sache-le. Prends-le comme règle. C'est le bab du gouverneur. Comme tu ne sors pas contre eux et tu ne les rends pas mécréants pour cette masala, ils disent c'est un mourji. On dit c'est quoi l'irja? L'irja là-bas, c'est ta'khul al-amal an al-iman. C'est le fait de sortir les actes de la foi. Et nous, on dit al-iman ou aqul bil-lisan et i'tiqad bil-qalb. وعمل بجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية Et la foi, c'est croyance dans le cœur, parole de la langue et acte des membres. La foi monte avec les actes d'obéissance et descend avec les obéissances. Man qala bi dhalik wa amila bi, c'est pas un murji. D'accord. Ou plutôt, il peut voir ça et avoir une bid'a ailleurs. Aussi. Non, il peut voir ça dans l'iman, son qawl sahih, et une bid'a dans un autre domaine. Dans le qadar ou autre. En tout cas, celui qui dit ça, c'est pas un murji. Après, c'est un grand tafsir par rapport au murji'a, comme on l'a pas cité ici. Donc voilà. هذا الذي اخذ من المبحث الثالث وغدا ان شاء الله سنكمل بارابيك le quatrième qui est la réponse à leur principale shubuhat. Mais c'est rapide parce que tout ce qu'on a pris au début ça y répond déjà. Quand même fa ila huna wa alhamdulillah.